Page 129. Exercice 4. 1. Je ne peux pas supporter cette femme, c'est plus fort que moi. 2. Hélène a un petit chien pas encore dressé, qui n'arrête pas de faire des bêtises et de provoquer sa maîtresse. Cela énerve Hélène. 3. Pascal et Michel se sont tout de suite entendus et compris, d'autant qu'ils ont la musique en commun. 4. Après la grosse bêtise qu'elle a faite, la secrétaire n'était pas très rassurée de voir son patron. 5. Quand Benoît a vu Louise la première fois, il est tout de suite tombé amoureux d'elle.